Zikomanyanga. Merci de retrouver la rédaction de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal et dont voici d'abord le sommaire. Le chef de l'État burundais dénonce ce qu'il qualifie de coalition de détourneurs de devises constituée par les cadres de l'État lors de la clôture d'une croisade d'action de grâce pour ses 5 ans au pouvoir. Évariste Ndayishimiye ayant donné l'exemple des milliards de dollars décaissés en 2024 sans traçabilité à la Banque centrale. Grogne de certains des agriculteurs de Bururi qui s'étaient présentés ce lundi au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage pour récupérer les fertilisants de type urée commandés pour la saison culturelle B écoulée. Chacun a reçu un seul sac au lieu de 5 alors qu'ils ont payé à l'avance et en totalité. Certains habitants qui se font soigner au centre de santé d'Ongozi, situé sur la colline Gavilo, ne s'intéressaient pas au dépistage précoce de l'hypertension ou du diabète en l'absence de signes apparents, mais le superviseur du bureau provincial de la santé, Ngozi, encourage plutôt la population à adopter une habitude de dépistage régulier une ou deux fois par an. Bienvenue à cette édition Requimena sur la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le chef de l'État dénonce ce qu'il qualifie de coalition de détourneurs de devises constituée par les cadres de l'État lors de la clôture d'une croisade d'action de grâce pour ses 5 ans au pouvoir. Évariste Ndayishimiye donne l'exemple des milliards de dollars décaissés en 2024 sans traçabilité à la Banque centrale. Pour lui, il faut consentir des efforts supplémentaires dans la bataille économique. Écoutez-le dans cette traduction française d'Alain Désiré Boukienet. C'est regrettable de constater que nous pouvons entrer en conflit avec certains cadres, mais qui visiblement se comportent comme si nous sommes en bon terme. Ces derniers organisent dans certaines situations des complots. Cela est arrivé pour le cas d'une fraude que j'avais constatée. Des cadres concernés se sont organisés pour imputer l'infraction à une personne innocente. Et j'ai indiqué au chargé des renseignements, « Tenez, à Kayogoro vers 22h du soir, un cas de fraude de vin sera perpétré. Mais cette autorité a tout fait pour que les produits dépassent la frontière sans s'inquiéter. Mais on m'a indiqué que la fraude n'a pas eu lieu. Je me suis énervé. Je les ai envoyés la personne qui me donne chaque fois des renseignements, témoin de tout ce qui s'est passé. Cela est devenu malheureusement une occasion de découvrir la personne qui ne cesse de m'informer. J'ai finalement constaté que je fais désormais confiance aux citoyens. Ils pourront vous traduire en justice. Souvenez-vous, à Nyabihanga, j'ai dit que je connais tous les cadres qui restent défaillants, mais ils se sont coalisés en une organisation de cadres malfaiteurs qui restent contre le président de la République. Ils sont au gouvernement et font tout pour profiter de tout projet au détriment des citoyens. Je fais un tel témoignage afin que vous compreniez pourquoi il nous sera difficile d'atteindre la vision d'un pays développé. Tenez, la Sopebu va jusqu'à me détourner des fonds. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore été remboursé mes 4 millions. Est-ce que notre pays n'a pas réellement de devises? Alors, d'où proviennent tous ces fers à béton pour différents chantiers, des tôles, des carreaux? Comment tous ces matériaux sont importés sans devises? Nous avons constaté qu'un milliard de dollars a été dépensé à l'étranger en 2024, alors que la BRB, Banque de la République du Burundi, n'a pas de traces. Et nous avons du coup constaté que certaines banques cachent des devises. La bataille qui nous oppose avec certains cadres, c'est celle liée à l'économie. Nous devons faire un nouveau pas. Tout cadre doit travailler, qui qu'il soit, même un ministre. Le président du parti Côte des Bouts trouve non fondées les doléances du chef de l'État, dénonçant chaque fois en plein air les détourneurs du denier public, sans toutefois les punir conformément à la loi. Kefani Bizi a des inquiétudes que si ces malversations économiques continuent au vu au sud d'autorités publiques, le pays ne pourra pas se développer. Kefani Bizi. Depuis que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est arrivé au pouvoir, il a toujours dénoncé certaines personnes dans son cercle proche et qui dilapident les biens publics ou qui s'adonnent à une corruption à outrance. Et ce qui est étonnant, c'est que pendant 5 ans, il n'a pas pu détruire ce réseau de bandits, ce réseau de corrupteurs qui sont certainement dans son parti politique. Et nous nous inquiétons que deviendrait l'avenir de notre pays au moment où les gens qui travaillent mal et qui détournent les biens publics et puissent continuer à œuvrer dans le service public pendant 5 ans sans s'inquiéter. Donc, si ça continue comme ça, le pays pourrait être plongé davantage dans une pauvreté sans précédent, d'autant plus que nous sommes maintenant dans un monopartisme de fait où les détourneurs ou d'autres fauteurs de troubles pourraient travailler sans soucier de rien. Donc, nous encourageons Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, de chercher les personnes intègres dans d'autres groupes sociaux, notamment la société civile, les églises, les autres formations politiques, pourquoi pas des cadres, des intellectuels qui ne sont pas dans ces groupes que je viens de citer, ou quand cela nous tienne, il pourrait même chercher des cadres d'appui, pourquoi pas parmi les étrangers, mais il devrait tout faire pour détruire son réseau de détourneurs des biens publics pour que le pays puisse se développer. C'était la Kefani, vice-président du parti Codebou. Même son dos cloche avec Francis Rohiro, président du parti FP Inez. Il déplore lui aussi le fait que le chef de l'État n'a fait que dénoncer à plusieurs reprises les auteurs des malversations économiques sans toutefois les punir. Suivez Francis Rohiro, il est président du parti FP. Et c'est une habitude qu'on remarque malheureusement dans notre pays. C'est facile d'accuser les autres, de dire que c'est à cause des autres que rien ne va. Et c'est des choses qui sont là et qui ne nous surprennent même pas. Sinon, généralement, les autorités, elles sont élues. Ils ont des programmes précis pour les corriger et ils sont élus pour les mettre en pratique. Sinon, très naturellement, il faut qu'on comprenne que dans chaque pays, il y a toujours des contrevenants à la loi. Il y a des gens qui font le mal. Il y a des gens qui sont là pour faire des bassesses. Et le rôle de l'autorité, ce n'est pas de se plaindre de cela, mais c'est de savoir qui savait justement ces problèmes et qu'il a des solutions, en l'occurrence dans son programme, comment il va résoudre ça. Très simplement, il a deux atouts de son côté pour venir à bout de ce genre de problème. D'abord, c'est que par rapport à son intelligence, il a conçu des programmes qui peuvent corriger ces choses. Et deuxièmement, par rapport à sa conviction, il sait qu'il peut mettre en place des mécanismes pour résoudre ces problèmes. Et de façon donc claire, c'est que aussi, il a la loi de son côté pour punir ceux qui font le mal, ceux qui passent outre la loi. Et il a des possibilités de changer des gens, de mettre en place les personnes qu'il faut pour qu'il puisse y avoir plus de lumière au lieu qu'il se plaigne continuellement des ténèbres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Place à l'agriculture. Certains des agriculteurs qui s'étaient présentés ce lundi au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Bururi pour récupérer les fertilisants de type urée commandés pour la saison culturelle B écoulée grognent que chacun a reçu un seul sac au lieu de 5 ou même plus payés en totalité. Ils demandent que les fertilisants pour les prochaines saisons culturelles soient disponibles avant la période du semis. Au niveau de ce bureau, l'on indique que seuls 200 sacs de l'urée sur 1600 réclamés pour les agriculteurs ont été déjà livrés, raison pour laquelle chacun reçoit un seul sac en attendant que toute la quantité commandée arrive. N'est-ce pas, Zenon Zabeman? Ces agriculteurs étaient nombreux le matin de ce lundi devant les stocks du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi pour récupérer les fertilisants de type urée qu'ils avaient commandés pour la saison culturelle B écoulée. Beaucoup de grognes se font entendre chez certains de ces agriculteurs suite au retard observé dans la livraison de ces fertilisants qu'ils devraient appliquer dans les champs aujourd'hui en pleine période de récolte. Ces agriculteurs déplorent également qu'ils ont reçu chacun un seul sac duré au lieu de 5 ou même plus commandés et payés. Ils demandent que pour les prochaines saisons culturales, les fertilisants soient disponibles avant le semis. Selon les employés du bureau en charge de l'agriculture à Bururi, seuls 200 sacs de ces fertilisants étaient disponibles le matin de ce lundi sur 1600 sacs qu'ils avaient réclamés pour ces agriculteurs qui ont remis à ce bureau les reçus attestant qu'ils ont payé la totalité des fertilisants commandés, raison pour laquelle chacun reçoit un seul sac duré en attendant l'arrivée de toute la quantité commandée. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zeno Nzambimana de Bururi. Cap sur Ngozi, où certains habitants qui se font soigner au centre de santé de Ngozi, situé sur la colline Gavido, ne s'intéressaient pas au dépistage précoce de l'hypertension ou du diabète en l'absence des signes apparents. Le responsable de ce centre, Emery Dukundane, indique que sur 3000 personnes consultées au mois de mai 2025, seules 10 ont accepté de se faire dépister et toutes ont été diagnostiquées positives à ces deux maladies. Le superviseur du bureau provincial de la santé à Ngozi, Michel Barutkonayo, encourage plutôt la population à adopter une habitude de dépistage régulier, une à deux fois par an, soulignant que les symptômes de ces maladies évoluent souvent de manière silencieuse. Les détails dans ce reportage d'Ornella Mucho. Les recherches montrent que le diabète et l'hypertension sont souvent ensemble. En effet, le diabète peut endommager les vaisseaux sanguins et les reins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Ces deux maladies partagent aussi des facteurs de risque tels que l'obésité, la sédentarité et une alimentation déséquilibrée. Sur la colline Gabilo, dans la commune Ngozi, au centre de santé communément appelé Mukigalama, certaines personnes ignorent encore les causes de ces maladies. Pourtant, elles évoluent souvent sans symptômes pendant des années. C'est pourquoi on les qualifie de tueurs silencieux. Yawenda Moïse, 45 ans, raconte avoir ressenti des signes avant-coureurs de l'hypertension, notamment maux de tête et douleurs thoraciques. Depuis, il suit les conseils des médecins et veille à son alimentation. On m'a recommandé de réduire la consommation d'aliments riches en sel et en huile afin de ne pas aggraver l'hypertension. De son côté, Rosine Kabalendi, 42 ans, explique avoir été sensibilisée par les agents de santé communautaire. Elle a appris que son surpoids pouvait favoriser le diabète, lequel peut ensuite entraîner l'hypertension. Je pense souvent à faire un dépistage régulier en raison de mon surpoids. Marie-Louise Wachawasem, agent de santé communautaire à Kinyami, toujours dans cette même province de Ngozi, souhaite recevoir plus de formations sur ces pathologies pour augmenter le rythme de sensibilisation sur ces maladies. Nous faisons de notre mieux pour sensibiliser, mais certains restent toujours désintéressés. Malgré cela, nous poursuivons notre mission. Émilie Dukundane, responsable du centre de santé d'Ngozi, précise que des séances de sensibilisation sont organisées chaque semaine et que les agents communautaires sont formés tous les trois mois sur ces maladies. Michel Bartwanayo, superviseur au bureau provincial de la santé, recommande un dépistage au moins une fois par an. Il met en garde contre certains signes comme une soif excessive ou des troubles visuels. Ces maladies doivent être dépister au fur et à mesure qu'on existe sur cette terre. Plutôt, on doit se faire dépister avant l'apparition des signes pour que, d'abord aussi pour faire la prévention et puis pour traiter au cas où la maladie est déjà installée. Le chef de cabinet du gouverneur Alain-Patrick Mouhito rappelle que des campagnes de sensibilisation sont menées lors des journées dédiées à la santé et invite la population à suivre les conseils des professionnels de santé. Beaucoup de gens pensent que ce sont des maladies des fonctionnaires ou bien des intellectuels. Dans les campagnes, alors, il y a l'ignorance de l'existence de ces maladies. Et les initiatives déjà mises en place, ce sont les réunions organisées par l'administration locale et en collaboration avec les gens du secteur de la santé pour mettre au courant à la population de l'existence de ces maladies. Et après la sensibilisation de l'existence, on prévoit des journées ou bien une période quelconque qui est déterminée où le dépistage se fait gratuitement. Au Burundi, près de 38 000 personnes vivent avec le diabète et plus de 98 000 personnes souffrent d'hypertension artérielle pour une population estimée à plus de 12 millions d'après les données des systèmes d'information sanitaire DHIS2. Et selon le site internet de la Fondation mondiale du diabète, le gouvernement burundais, en partenariat avec cette fondation, a lancé en 2024 le programme national Rumuri pour la prévention et la prise en charge du diabète. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Cap sur Tchankouzo, les hommes et femmes adultes rassemblés dans le centre d'encadrement et de réinsertion des personnes en situation de rue situé dans la zone Mounzenze de la commune Michi en province Tchankouzo signalent qu'ils sont désœuvrés à l'intérieur du dit centre, de même que certains enfants qui, en fin de compte, s'évadent pour aller chercher quoi faire à l'extérieur. Ils demandent d'être réintégrés dans leur famille ou leur donner du travail. Nestor Banigua, responsable adjoint du centre, précise qu'il préconise dans l'avenir les enseignements des métiers pour ces enfants et ces adultes après identification pour les réintégrer dans leur famille par après, n'est-ce pas Jean-Marie Mayonk? Certains hommes et femmes adultes qui se trouvent dans le centre d'encadrement et de réinsertion des enfants en situation de rue situé à Mounzenze se lamentent de passer plusieurs jours sans travailler. Ils disent qu'ils seraient comme des handicapés. Ça nous presse beaucoup de passer la journée sans travailler. Dis-moi qu'ils nous donnent des activités pour ne pas rester comme des infirmes. Passer plus de 3 mois sans avoir une activité, c'est un problème. Je gagne rien car je viens de passer plusieurs jours sans avoir un métier. Puisque je ne fais rien, même si je rentre sans une activité génératrice de revenus, ça reste un défi. Je ne sais pas comment va ma famille aujourd'hui. Ces personnes précisent que certains enfants quittent pour aller chercher des travaux à l'extérieur et des fois arrêtés, ils les font retourner dans le centre. Certains enfants évadaient pour retourner chez eux et des fois il y avait ceux qui étaient arrêtés et les amenaient encore dans ce centre. Nestor Banegwa, responsable adjoint de ce centre, explique qu'ils ont déjà construit des bâtiments destinés aux formations dans différents métiers pour ces enfants. Dans l'avenir, le ministère de la Solidarité compte préparer des enseignements des métiers pour ceux qui devront bénéficier de ces enseignements dans ce centre. Quant aux enfants qui sortent, ils signalent que ça arrive que ces enfants évadent et ils ont compté au nombre de 6 qui ont déjà fui dans une période d'une année. Le gouverneur de la province, Tchankouzo, Boniface Sebanyezako, explique que pour diminuer l'effectif des adultes dans ce centre, ils font leur réintégration après les enquêtes. Après qu'on a montré ce centre à construire, on a vu que ça va prendre beaucoup de moyens. D'où alors après échange, certaines provinces comme la mairie, la province de Bujumbura, Chibitoke, la province Bubanza, la province Ngozi sont venues pour récupérer ces personnes adultes pour quand même aller les insérer dans leurs familles respectives. Et ceux qui restent, qui sont adultes, on est en train de chercher leurs familles respectives pour qu'elles puissent retourner dans leur famille. Le centre d'encadrement de Mounzenze a 12 responsables chargés de coordonner les activités et 2 infirmiers. Le gouvernement du Burundi, lui seul, suit les activités avec la d'une seule organisation appelée UNSBO. Page culture pour boucler cette édition. L'association Burundi Diaspora prévoit organiser une compétition pour les Burundais talentueux dans différents domaines dits piliers de la vision du Burundi. Samuel Ndahiragije, président de cette association, dans une conférence de presse ce lundi, a précisé que ce projet est dans l'optique de la semaine dédiée à la diaspora burundaise prévue du 29 au 30 juillet de cette année. Suivez Samuel Ndahiragije dans ses propos recueillis par Stéphane Ndayishimiye. La diaspora s'organise pour faire des compétitions patriotiques et civiques, là où on appelle tout Burundais, talentueux, d'essayer de participer à l'événement appelé Ikingi Zimbona Kazoza Event 2025-2025, ce qui signifie que c'est l'événement en rapport avec la vision du Burundi, vision 2040-2060. Et nous avons, en tant que membres de la mission, d'appuyer, supporter et promouvoir la vision 2040-2060. C'est ça la mission principale. On a besoin de voir tout Burundais participer activement dans la mission de promouvoir les piliers de la mission 2040-2060. L'événement est organisé dans toutes les provinces du pays et au final, ça sera ici au Bujumbura le 27. Pour la province de Bujumbura, les compétitions sont programmées le 16 juillet 2025 et au Tanyerera, c'est le 17, Gitega, c'est le 18. Le 19, c'est Urunga et le 20, c'est Bujumbura. Ce qui concerne la mission principale de cet événement, nous avons besoin d'avoir les gens qui sont capables de nous aider. Nous avons une mission d'avoir des piliers dans 5 départements ou 5 districts qui sont Bouchapa. Je vais dire Bouchapa qui est pour que tout le monde puisse comprendre ce que nous voulons signifier. Il vient Indirimbo et aussi Comédie ou Kino. C'est ça, les 5 départements, que cette compétition est basée sur. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Riku Imana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite de nos programmes.